Et maintenant, je vous propose de revoir rapidement le passé et surtout comment prononcer la terminaison du passé. Vous savez que la plupart des verbes anglais partagent une terminaison unique au passé. Ce sont bien sûr les plus faciles à utiliser. Mais il existe quelques verbes qui se comportent différemment au passé et qui risquent donc de vous paraître un peu plus difficiles, mais en fait, ils ne le sont pas tant que ça. Tout simplement parce qu'ils sont tellement fréquents que vous les assimilerez naturellement, sans effort, c'est-à-dire à la manière de Michel Thomas. Bien, commençons par les verbes qui ont la même terminaison au passé, qui sont les plus nombreux. Pour la plupart des verbes, il suffit d'ajouter au verbe « nu » la terminaison « ed » pour former le passé, et ce, à toutes les personnes. Donc, une terminaison unique qui vaut dans tous les cas. Que demander de plus? Par exemple, vous connaissez « to ask », « demander ». A-S-K. Alors, comment direz-vous « il a demandé » Et il vous faut prononcer sa terminaison « ed »« t ». He asked. He asked, oui, qui s'écrit donc « a-s-k-e-d », mais qui se prononce comme une seule syllabe, avec le « ed » final prononcé « t ». Asked. Et « nous avons demandé » se dira ? We asked. We asked. Et ça sera le cas à toutes les personnes. I asked, you asked, he asked, we asked, they asked. Alors, sachant que hier se dit yesterday, et bon, pour vous en souvenir, pensez à la célèbre chanson des Beatles. Comment dira-t-on « ils ont terminé hier » Et là encore, il faut prononcer la terminaison ed, t. They finished yesterday. They finished yesterday. Donc, on prononce le « ed » « t » tout simplement parce qu'il serait difficile de prononcer « finished ». Donc, c'est bien « finished ». Et si, comme vous le savez peut-être, « fermer » se dit « to close », « c-l-o-s-e » et « porte » se dit « door », « d-2-o-r », comment direz-vous « j'ai fermé la porte » et « watch out » car dans le cas de « to close », la terminaison « ed » se prononce « de », parce qu'on aurait du mal à prononcer « closed ». Alors, j'ai fermé la porte. I closed the door. I closed the door. Et si vous voulez préciser que vous l'avez fermé à clé, en anglais, il existe un verbe pour dire ça, « fermé à clé ». C'est « to lock », L-O-C-K. Alors, comment dira-t-on « je l'ai fermé à clé » I locked it. I locked it. Donc là, vous avez sans doute naturellement prononcé la terminaison « ed » « t » « locked ». Et vous avez bien fait. Il existe une troisième prononciation possible de la terminaison « ed » au passé, c'est « ed ». C'est le cas de tous les verbes qui finissent par un « t » ou « d ». Prenons un exemple. Si je vous demande à quelle heure vous avez commencé le travail hier, comment répondrez-vous? J'ai commencé, on emploiera ici le verbe to start, à 8 heures, 8 o'clock. Ici, la terminaison ed se prononce ed. Alors, j'ai commencé à 8 heures. I started at 8 o'clock. I started at 8 o'clock. Oui, donc started avec le son ed. Parce qu'on aurait bien du mal à prononcer « started ». Pour dire « commencer », le verbe « to commence », dérivé du français, existe aussi. Mais on emploie plus souvent les verbes d'origine anglo-saxonne « to start » ou « to begin ». Enfin, comme vous pouvez le constater, l'anglais a souvent deux, voire trois mots, là où le français n'en a qu'un, ce qui vous laisse l'embarras du choix, n'est-ce pas? Bien alors, nous en étions à la phrase « I started at 8 o'clock ». Et si dans votre cas, la réponse est « j'ai commencé à 8h30 », comme vous le savez peut-être déjà, en anglais, en tout cas en anglais britannique, on dira « à demi après 8 », littéralement « à demi passé 8 », c'est-à-dire « I started at half past 8 ».« I started at half past 8 ». Ça, c'est ce que dit Sarah et ce que dirait n'importe quel Britannique. Mais aux États-Unis, comment diriez-vous ça, Vincent, à 8h30? At 8:30. At 8:30, c'est ça. C'est-à-dire qu'en anglais américain, on dit tout simplement à 8:30 pour 8h30, 8h30. Enfin, que vous disiez « I started at 8:30 » ou « at 8:30 », on vous comprendra des deux côtés de l'Atlantique, donc pas de souci. Bien, et maintenant, comment direz-vous « j'ai fini à 5h » ? I finished at 5 o'clock. I finished at 5 o'clock. Et de votre côté, vous pouvez répondre, j'ai fini à 6 heures, c'est-à-dire. I finished at 6 o'clock. I finished at 6 o'clock. Et on peut aussi dire, I finished at 6, tout court. Donc, on a là deux sons bien distincts. Started, finished. Bien, alors il y a des gens qui gardent un bon souvenir de leurs années d'école, mais ce n'est pas mon cas. Alors, comment direz-vous « j'ai détesté l'école et je voulais partir » ? Je vous laisse deviner l'équivalent anglais de « détester » et l'école se dit « school » sans « the ». « School » S-C-H-2-O-L. Alors, encore une fois, « j'ai détesté l'école et je voulais partir ». I detested school and I wanted to leave. I detested school and I wanted to leave. Comme je l'ai déjà fait remarquer, en anglais, il existe souvent deux mots pour exprimer la même chose. Un mot d'origine latine, comme ici, to detest, qui est donc plus facile à deviner pour vous, et un autre d'origine anglo-saxonne, souvent plus courant, ici, to hate, que Michel Thomas avait déjà introduit dans ses méthodes. To hate, H-A-T-E. Donc au passé, I hated. I hated school. Mais reprenons notre phrase « I detested ou hated school and I wanted to leave ». Mais j'avais besoin d'un diplôme. Avoir besoin de se dit « to need » tout court, N-E-E-D. Et le mot pour diplôme est « qualification ». Alors, comment direz-vous « mais j'avais besoin d'un diplôme » ? But I needed a qualification. But I needed a qualification, right. Alors développons un peu plus notre phrase. Si devenir se dit to become, alors comment direz-vous, j'avais besoin d'un diplôme parce que je voulais devenir professeur. Ici, on utilisera le mot teacher pour professeur. I needed a qualification because I wanted to become a teacher. Because I wanted to become a teacher. Littéralement, devenir un professeur.